Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Le temps qu'il reste, une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Nicole Sigal, réalisée par Michel Sidorov. La fiction d'aujourd'hui évoque l'histoire de ces vies en suspens dont certains demandent l'arrêt. Dans la fiction, Aline, 58 ans, est malade, atteinte d'un cancer en phase terminale. Son fils Gabriel la soigne, l'accompagne. Elle veut mourir, lui veut qu'elle vive. Devant le refus de son médecin de l'aider, Aline persiste et déclare « En Suisse, en Belgique, le suicide assisté est permis, des médecins ne sont pas pour autant des assassins ». En novembre 2015, nous avions déjà abordé le droit de mourir par le récit dans Affaires sensibles du cas emblématique Vincent Humbert, un jeune homme de 21 ans, tétraplégique, aveugle et muet, qui demanda un jour de novembre 2002 au président Jacques Chirac le droit de mourir dans la dignité. Et il le fit avec ces mots. « Tous mes respects, monsieur le président, je me présente. Je m'appelle Vincent Humbert, j'ai 21 ans. J'ai eu un accident de la circulation le 24 septembre 2000. Je suis resté 9 mois dans le coma. Je suis actuellement à l'hôpital Héliomarin, à Berck, dans le Pas-de-Calais. Tous mes sens vitaux ont été touchés, à part l'ouïe et l'intelligence, ce qui me permet d'avoir un peu de confort. Je bouge très légèrement la main droite en faisant une pression avec le pouce à chaque bonne lettre de l'alphabet. Ces lettres constituent des mots, et ces mots forment des phrases. Voilà, c'est ma seule méthode de communication. J'ai actuellement une animatrice à mes côtés qui m'épelle l'alphabet en séparant voyelles et consonnes. C'est de cette façon que j'ai décidé de vous écrire. Les médecins ont décidé de m'envoyer dans une maison d'accueil spécialisée. Vous avez le droit de grâce. Et moi, je vous demande le droit de mourir. Oui, le droit de mourir. On lui refusera. Alors sa mère l'aidera. C'est pour poursuivre cette réflexion que nous voulons, avec cette fiction, vous raconter aujourd'hui l'histoire d'Aline. Ce sujet hautement sensible, c'est le télescopage de plusieurs logiques religieuses, philosophiques, politiques, culturelles. Mais c'est surtout cette question fondamentale, a-t-on le droit de prolonger la vie d'une personne dont les jours ne sont que souffrance, sans espoir? Au nom de quel principe inhumain doit-on s'arc-bouter sur le respect de la vie quand la douleur ou le handicap constituent justement la négation de la vie? Bref, va-t-on cesser un jour de condamner à vivre? Après la fiction, pour nous aider à comprendre et à réfléchir sur l'euthanasie, nous recevrons Jean-Luc Romero, auteur du livre « Ma mort m'appartient » aux éditions Michelon. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Now in Vienna, there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the dogs go to die. Le temps qu'il reste, de Nicole Sigal, une réalisation de Michel Sidorov. Maman, qu'est-ce que tu fais? Je repasse, tu vois bien. Et tes perfusions? Ah zut! J'ai fait un faux pli. J'ai jamais été douée au passage. Mais aujourd'hui, j'ai envie de m'appliquer au moins une fois dans ma vie. La dernière. Qu'est-ce que tu racontes? Rien. Une envie de ranger, de tout mettre en ordre. Et tu me connais, j'ai beaucoup de robes. Je n'ai pas envie qu'on trouve du bazar dans mes armoires quand je ne serai plus là. Mais maman, on n'en est pas encore là. Déjà hier, quand je suis rentrée, t'étais perchée sur l'escabeau à farfouiller en haut des étagères. Une vraie gamine surprise le doigt dans les confitures. Une envie de faire le ménage, moi qui n'ai jamais aimé ça. Ben, j'ai bien le droit de faire encore de la gymnastique à 58 ans. Tu oublies que ta mère était trapéziste il n'y a pas encore si longtemps. Tu as promis au médecin de garder tes perfusions en permanence. Sinon, tu vas souffrir le martyre. Quand je m'occupe, ça va. Oh là là, décidément, je suis pas douée. Hein. J'ai lustré ce corsage. J'y tiens, c'est celui que j'avais quand j'ai rencontré ton père. Tu me diras, je vais plus le mettre. Ah, ou plutôt si. C'est celui que je mettrai quand... Le repassage, c'est le travail de l'auxiliaire de vie. Auxiliaire de vie. Quelle drôle d'expression. Payer quelqu'un pour qu'elle vive à ma place le temps qu'il me reste. Toujours aussi rebelle, ma petite mère. Je t'aime comme ça. Hier, si tu veux savoir, J'avais envie de trier mes livres indissolublement liés à des époques de ma vie, à des émotions. Et c'est pas l'auxiliaire de vie qui va les éprouver à ma place. Et puis j'aime bien le linge, les étoffes, les couleurs. Du moment que tu te fais plaisir. Mais je voudrais pas que tu souffres. On a élaboré tout un protocole avec le médecin pour que tu puisses revenir à la maison sans souffrir. Tu veux pas arrêter cette musique? Elle me donne le cafard. Mais j'aime bien être dans la nostalgie, pleurer. Je me sens en vie dans ces moments-là. Comme quand j'étais folle amoureuse et que je souffrais. Ce n'est pas parce qu'on est condamné qu'on n'a plus de désir. J'en aurai jusqu'au bout. Bon, je finirai demain. Non. Maman, tu vas te fatiguer. Tu sais ce qu'a dit le médecin. Bon, je vais faire un thé. Le médecin n'y connaît rien. Il ne sait pas ce que c'est que d'avoir dansé et voltigé toute sa vie. Si je ne bouge pas, je suis très malheureuse, comme un gros cafard sur le dos qui n'arrive pas à se remettre sur ses pattes. Avec tous ces tuyaux, j'ai autant d'autonomie de mouvement qu'une limace. Laisse-moi faire le thé au moins. Mais non, assieds-toi. Tu as besoin de te reposer. Je vois bien que tu es fatiguée avec ta double journée. Dès que tu sors du boulot, tu viens ici au lieu de retrouver Louise et la petite. C'est pas une vie pour un jeune. Maman, je suis plus un ado. J'ai 30 ans. J'ai décidé en accord avec le médecin de t'aider et d'être avec toi le plus souvent possible. Ça te fait pas plaisir? Si, bien sûr, beaucoup. Mais je ne voudrais pas que tu te sacrifies. Je me sacrifie pas, j'adore tous ces moments qu'on partage. Tous ces petits bonheurs non prévus. Prendre le temps d'être avec toi, arrêter de courir, pour des futilités finalement. Je suis peut-être un peu stressée parfois, mais je me suis jamais sentie aussi proche de toi. Ma petite maman acrobate. Et puis, je me découvre une force que j'ignorais. Des capacités à aider, à pas penser qu'à moi, à être dans la profondeur de notre relation, sans avoir peur de mes sentiments, de mes émotions. Tu mûris, mon chéri. Je suis fière de toi. Bon, maintenant, il faudrait que tu te recouches, maman. C'est toi qui te conduis comme une ado capricieuse. C'est le monde à l'envers. C'est drôle d'inverser les rôles. Ça nous fait du bien à tous les deux. Je boirai bien un verre de bon vin. Un Cros Hermitage 2011, mon préféré. Oh, j'ai encore une bouteille à la cave. Maman, tu vas pas aller à la cave. Bah, avec l'ascenseur, ma limace sous perfusion pourrait y aller. Bon, ben, vas-y, si ça te fait plaisir. Il doit y avoir aussi un pouilly fumé. Rapporte les deux. Pendant qu'il n'est pas là, j'en profite pour signer et dater mes dernières volontés avant qu'il ne soit trop tard. J'ai toujours décidé de ma vie. Je veux décider de ma mort. Il fait un froid de canard dans cette cave. Et tu voulais y aller? Merci. Tiens. Délicieux. À la tienne, mon chéri. À la tienne, petite maman terrible. Je suis pas sûre que le vin soit compatible avec tes traitements. Je m'en fiche, j'arrête. Comment ça, t'arrêtes? Je veux qu'on me débranche. Ah non! T'avais promis au médecin. T'es pas en fin de vie, maman. T'es en soins palliatifs. Je vais arrêter avant la déchéance. C'est décidé. J'ai travaillé mon corps toute ma vie. Aucun soin palliatif ne soignera ma souffrance de le voir se détruire. Je veux pas me voir comme ça. Je veux pas. Je sais, mon chéri. Je sais, c'est dur. Ça sera encore plus dur si on continue. Je me suis renseignée. Tout à l'heure, quand tu es arrivée, j'étais en train de faire ma valise. et de choisir mon livre préféré. Je peux pas faire ça, maman. Accepter de tuer celle qui m'a mis au monde. Je dois appeler le médecin. Non. Non, laisse. On n'a pas le droit. J'ai pas le droit de faire ça, maman. Je te le demande. Pour l'amour de moi. Tu n'auras aucun geste à faire, c'est moi qui le ferai. C'est ce que j'ai décidé en toute conscience. Je veux partir en ayant encore la force de sourire et de choisir mes derniers mots. Des mots de vie. Maman, souviens-toi de ce qu'on a décidé avec le médecin. Je n'avais pas eu le choix. Le médecin avait tranché. Ni la médecine, ni la loi française ne pouvaient venir à mon secours. Mais je savais qu'en Belgique et en Suisse, le suicide assisté était permis. Le diagnostic était clair. Cancer métastasé. J'étais condamnée. Il me restait encore 6 mois à vivre. Je n'appelais plus cela vivre. Une agonie terrible m'attendait. Je voulais tirer ma révérence et quitter la scène sans que l'on soit obligé de baisser le rideau au milieu de mon numéro. Bonjour madame. Bonjour docteur. Monsieur. Bonjour. Comment vous sentez-vous aujourd'hui ? Je pense qu'avec la nouvelle perfusion, nous avons réussi à calmer la douleur. Oui, je souffre moi, mais je ne peux rien faire. J'ai du mal à lire, à écrire, je vis au ralenti. Le principal est que vous ne souffriez pas. Nous sommes là pour votre confort physique et moral. Je vous remercie, docteur, mais j'ai pas envie de continuer comme ça. La vie ne se résume pas pour moi à une absence de douleur. Mais maman, on en a déjà discuté. Je comprends votre désir, mais vous n'êtes pas en fin de vie. Vous êtes en soins palliatifs. Toute l'équipe ici est attentive à améliorer vos conditions de vie. Votre fils aussi est très présent, je l'en remercie. Vous êtes en vie, et je fais ce métier pour protéger la vie, prévenir le suicide. Je serai dans les pires contradictions en abrégeant la vôtre. Mais en Suisse, en Belgique, le suicide assisté est permis, et les médecins ne sont pas pour autant des assassins. La loi française ne le permet pas. Vous savez, la médecine progresse très rapidement. On peut espérer qu'une grande découverte contribue à allonger votre espérance de vie. En tout cas, je veux rentrer chez moi, dans mon environnement familier, mes livres, mes affaires, mes robes. Ici, le personnel est charmant, tout est parfait. Mais dans ce service, on attend la mort, c'est tout. Chez moi, je pourrais peut-être revivre de beaux moments de ma vie, faute d'en vivre. Je peux vous proposer des soins palliatifs à la maison. Avec quelques aménagements dans votre chambre, vous serez comme à l'hôpital. Une infirmière passera 3 fois par jour pour réajuster vos soins en fonction de votre état. Une auxiliaire de vie viendra pour votre toilette, vos repas et faire toutes vos tâches ménagères. Des bénévoles passeront quand votre fils sera au travail. Mais monsieur, ça vous demandera plus de présence. Ah non, non, non, non, alors je ne veux pas demander encore plus à mon fils. Il est jeune. Au contraire, maman. Ça me fera davantage plaisir de te voir à la maison. Ici, on ne peut pas oublier la maladie. À la maison, nous vivrons de beaux moments ensemble. Je vais demander un aménagement de mes horaires pour travailler plus souvent à la maison, puisque je peux. Tu es sûr ? Ne t'en fais pas. Je ne m'oublie pas. Et on sera plus heureux. Vous avez un fils merveilleux. Celui que toutes les mères rêvent d'avoir. Mais j'ai été élevée par une mère formidable, aimante et pleine de vie. À 6 mois, je la regardais déjà faire ses numéros avec mon père, depuis les coulisses des théâtres et des chapiteaux. Monsieur, je vais vous expliquer tout le protocole des soins à la maison. Vous pourrez à tout moment me joindre ou joindre quelqu'un de l'équipe si je suis absent. Madame, je vous commande une ambulance pour demain matin après le petit déjeuner. Je vous dis à bientôt. Je viendrai vous voir au moins une fois par semaine. Au revoir, docteur. Et merci de m'avoir comprise. Waouh. Il est très bien, ce médecin. Très à l'écoute. Mais il n'en démord pas. Enfin, si je peux me permettre ce vilain jeu de mots. Il t'a bien expliqué son dilemme. Et t'as trouvé une solution qui nous fait plaisir à tous les deux. Je suis très content, petite mère. Ah, vivement à la sortie, j'en pouvais plus. Toutes ces odeurs, ces bruits sinistres. À chaque fois que j'entends un chariot, j'imagine qu'on transporte un mort. T'as pas un autre sujet, maman ? Mais ici, on ne peut penser qu'à ça. Mieux vaut en rire. Tu te souviens de l'ami de ton père qui était médecin dans un service de soins palliatifs ? Dès qu'il disait dans un dîner où il travaillait, le dîner était foutu, ça jetait un froid. Qu'est-ce qu'on a pu rire quand il nous racontait la scène? On a encore des progrès à faire. La mort reste vraiment un tabou. Oui. Le mot cancer est encore un gros mot. C'est parfaitement ridicule de le traduire par longue maladie, alors que tout le monde sait de quoi il s'agit. Bon. Je vais voir le médecin avant de partir. Je te dis à demain, maman. Pour la quille. T'es incorrigible. De retour à la maison, j'ai été heureuse quelque temps. J'ai revu mes amis, partagé de beaux moments avec mon fils, sa compagne et ma petite fille de 8 ans, qui comprenait tout à sa façon, avec beaucoup d'innocence et de fraîcheur. Cette atmosphère me faisait beaucoup de bien. Mais la limite que je m'étais fixée est arrivée. J'ai adhéré à une association pour le droit de mourir dans la dignité. J'ai choisi la Suisse parce que le patient a la possibilité de s'injecter lui-même ou de boire le produit létal au cours d'une procédure de suicide assisté. Alors qu'en Belgique, c'est le médecin qui pratique l'injection. C'est une euthanasie. Je voulais décider jusqu'au bout, puisque j'en avais la possibilité. J'ai choisi le printemps pour partir. Une saison de renouveau. Nous en avons beaucoup discuté avec mon fils. Au début, ça n'a pas été facile pour moi d'accepter. Mais j'ai vite compris le soulagement de ma mère après cette décision et combien il était important qu'elle soit libre jusqu'au bout. Pour moi aussi, ce n'est pas facile. Je suis généraliste, je soigne des patients pour qu'ils vivent en bonne santé et par ailleurs, j'en aide d'autres à mourir. Parfois, je dors mal. Mais quand je vois le soulagement dans leurs yeux plein de reconnaissance, je ne regrette pas. Je suis sereine. Mes contradictions disparaissent. Je suis heureuse de partir ainsi. J'ai délié toutes mes chaînes. Je suis libre. Je vous en suis infiniment reconnaissante. J'ai toujours milité pour l'IVG. Alors maintenant, je milite pour l'IVV. L'interruption volontaire de la vie. Et le droit de disposer de mon corps jusqu'au bout. Ça me fait plaisir de te voir comme ça. Même si c'est vrai que je regarde le calendrier avec angoisse, depuis qu'on a fixé la date. On va faire un bon repas avec mon fils et sa compagne et leur petite fille. Juste nous quatre. Et on boira du bon vin. Et après, je partirai seule dans ma chambre. Dans votre cas de cancer métastasé, nous n'avons pas hésité, mes deux collègues et moi-même. D'autre part, c'est une décision consciente et répétée. Nous avons tout filmé, même ce dernier entretien, pour garder une trace et pouvoir prouver aux autorités que nous respectons les procédures. Mais sachez que vous pouvez jusqu'au dernier moment ne pas faire ce geste, ou en repousser la date, autant de fois que vous le souhaitez. Il faut savoir que 3/4 des patients ne viennent pas. D'autres qui ont pris leur décision de façon ferme repoussent la date. Un homme qui souffrait d'une pathologie neurologique très invalidante a malgré tout repoussé 6 fois. Donc sentez-vous libre de dire non jusqu'au bout. C'est très important pour moi de savoir que j'ai cette possibilité. Vous êtes toujours d'accord sur le moment choisi? Demain, au crépuscule? Oui. J'avais envie de disparaître en même temps que le soleil. Vous avez décidé d'être seule? Votre famille viendra aussitôt après. Je vais vous expliquer le geste que vous aurez à faire. Vous aurez une perfusion dans laquelle un barbiturique vous fera tomber très vite dans un sommeil profond. Vous ouvrirez vous-même la molette libérant le produit. En quelques minutes, vous décéderez. Vous ne sentirez absolument rien. Un geste qui me convient. Ma petite maman. Mon chéri. Tu n'as pas peur? Mais non, mon amour, puisque je vais juste m'endormir profondément. La liberté ne m'a jamais fait peur. Je vais vous conduire dans une petite maison du parc, tout au bord du lac. Vos enfants dormiront à l'extérieur. Pour votre repas de déjeuner en famille, demain, Nous avons commandé les meilleures spécialités et vins suisses, comme vous le souhaitiez. Nous dresserons la table dans la salle à manger. Merci. Voilà, c'est ici. Par la baie vitrée, vous verrez de votre lit le soleil se coucher sur le lac. Il n'est entouré que de verdure. Vous pourrez faire entrer le chant des oiseaux en laissant la baie grande ouverte. Magnifique. Quelle douceur. Oh ! J'ai oublié ma valise dans votre bureau. Et surtout, ma tenue de cérémonie. Je me suis mariée en short à paillettes, je veux mourir en short à paillettes. Ma tenue de travail, en quelque sorte, sur les trapèzes et autres balançoires. Je vais faire apporter votre valise. Vous avez une penderie à l'entrée de la chambre. Pour une fois, je n'ai pas apporté toute ma garde-robe. Mais j'ai quand même une belle robe pour ce soir. Nous dînons à l'extérieur avec mon fils, au bord du lac. Au revoir. Je vous dis à demain. À demain. Au restaurant, nous avons passé un moment euphorique avec mon fils, dénué de toute angoisse. Le corps est une machine formidable. Je me disais que nous sécrétions peut-être de petites drogues euphorisantes dans ces moments ultimes et d'autant plus précieux. De retour dans la chambre, je suis tombée dans le sommeil, sans avoir peur. Il faisait très doux. J'avais laissé la baie vitrée ouverte pour m'endormir au chant des oiseaux. Une sorte de répétition. J'avais décidé de filmer mon dernier repas, pour que mes enfants gardent ce souvenir de moi, souriante et fière d'avoir pris cette décision. Mais aussi pour laisser ce témoignage à l'association qui m'avait permis de faire tout ce chemin. Louise, la compagne de mon fils, s'était chargée de l'installation. Il était convenu qu'elle me poserait quelques questions au cours du repas. Mais l'atmosphère, à la fois débordante d'émotions et de recueillement, et les questions ingénues de ma petite fille, en disaient encore plus long sur le soulagement que nous avait apporté ma décision. Mettez-vous là, Aline. La lumière sera plus belle. Je ferai quelques gros plans. Moi aussi, je veux des gros plans avec mamie. Ah. Parce que je veux lui ressembler plus tard. Ça sent bon. Cette viande des grisons est délicieuse. Un peu de potée avec, mamie? Est-ce qu'il y aura du chocolat en dessert? Oui, ma chérie. Tu ne trouves pas que tu en as mangé assez? Oui, mais pas du blanc. Oh, la gourmand. Ah, j'ai préféré prendre du vin rouge avec. Il est bon, ce pinot noir. Oh oui, délicieux. Je me suis toujours méfiée du blanc. Très mauvais pour les articulations. Et j'avais besoin de mes articulations pour mes voltiges. Je vais être trapéziste, comme toi, mamie. Et je mettrai des habits à paillettes. Tu as raison, ma chérie. Voltiger dans les airs, défier la pesanteur, c'est le rêve le plus beau. Comme d'aller sur la lune. Les porter avec ton grand-père, c'était des paroxysmes d'amour. J'avais l'impression d'être une poupée de chiffon dans ses grandes mains, tendues pour m'accueillir. On s'engueulait beaucoup aussi en répétition. C'était toujours de la faute de l'autre. Mais en spectacle, il assurait. Nos corps étaient dans une entente parfaite, magique. Mamie, c'est quoi un tabou? Maman n'est plus dans la lumière, je vais déplacer le pied. Un tabou, c'est quelque chose qu'on n'ose pas dire, ma chérie. Et toi, tu oses le dire parce que t'es la plus forte. Voilà. Ce plateau de fromage est magnifique. Goûtez cette tête de moine, mamie. Une tête de moine. On le déguste en petites frisettes. Comme ça, en raclant avec une girolle. D'ailleurs, ça ressemble à un champignon. Tiens, regarde. Je connais bien la Suisse, on y a fait beaucoup de tournées. Ton papa avait quelques mois. J'allais lui faire un bisou dans les coulisses entre deux numéros. Il y avait toujours quelqu'un pour garder son couffin. Parfois, c'était même le pompier de service. Les enfants, je suis contente. Je suis soulagée. Ça se passe exactement comme je voulais. Nous aussi, Aline. Il y a du café chaud. On peut le boire avec des chocolats. Oh, oui, des chocolats blancs. Doucement, mon amour, ne t'énerve pas. Je sais, quand on est mort, et on respire plus. Oui, chut, doucement, doucement, ma chérie. C'est normal qu'on meure. C'est la nature parce que c'est la vie. Tout le monde meurt. C'est comme les plantes, les animaux, les hommes meurent une fois qu'ils ont vécu. Et après, il y en a d'autres qui naissent. Oui, mon amour, calme-toi un peu. Elle s'est endormie d'un seul coup. Elle est adorable. Moi aussi, je vais pas tarder à y aller. Me préparer. Le soleil se couche assez tôt, au début du printemps. J'ai beaucoup de peine, maman. C'est normal, mon chéri. On a tous beaucoup de peine. Mais n'aie aucune crainte. Je n'en ai pas. Je vais m'endormir comme la petite. C'est elle la plus sage. Ce repas était un vrai cadeau. Je vous aime, mes amours. Je ne croyais en rien, juste en la transformation de la matière. Je me disais que mes cendres allaient se mélanger à l'humus de la terre et peut-être se transformer en charbon ou en diamant, comme disait ma petite fille. Je pensais à sa fraîcheur et à sa beauté, à toute cette vie qui trépigne à l'intérieur d'elle. Je ne me lassais pas de la regarder à chaque fois qu'elle était près de moi. À mon fils, si doux et heureux avec sa compagne. J'étais fière de lui, d'eux. Je revivais les moments joyeux et turbulents de notre petite famille avec l'amour de ma vie, disparu trop tôt. Les tournées, la joie immense que procurent les applaudissements, la fête après le spectacle. Je ne pensais qu'à la vie. Je n'avais que le mot « vie » dans la tête. C'est pourquoi je voulais disparaître ainsi. Je pensais aussi à tous ces gens qui n'ont pas assez d'argent pour venir mourir dignement en Suisse, en Belgique ou au Canada, et qui pourtant le souhaiteraient. Nous sommes inégaux jusque dans la mort. Le soleil embrase les arbres et va bientôt tomber dans le lac couleur d'étain. J'attends le bref moment où il va s'écraser doucement dans l'eau avant de disparaître lui aussi. On sera deux. Maman est restée belle jusqu'au bout. Elle est magnifique. Sereine. Mamie encore là? Il n'y a plus personne dedans. Est-ce qu'elle a eu mal? Pas du tout, mon amour.

France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui, le temps qu'il reste. Notre invité Jean-Luc Romero, auteur du livre « Ma mort m'appartient » aux éditions Michel Long et président de l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Bonjour Jean-Luc Romero. Bonjour. Vous êtes conseiller régional d'Île-de-France, maire adjoint du 12e arrondissement de Paris. Vous êtes également président de l'association pour le droit de mourir dans la dignité, l'ADMD. Et c'est Escalité d'ailleurs que vous êtes invité chez nous aujourd'hui. Et vous présidez l'association Élus locaux contre le sida. Vous avez écrit plusieurs livres, dont Ma mort m'appartient en 2015. Et puis alors tout récemment, Lettre ouverte à Brigitte Macron, hashtag Ma mort m'appartient. Alors on va d'abord, et avant de commencer à discuter, écouter une archive. Elle date de 1975. Vous allez entendre l'écrivain Romain Gary qui s'exprimait sur ce douloureux problème de la mort dans la dignité, en tout cas de la demande de cette mort-là. C'était dans l'émission Radioscopie de France Inter. Ce qui est affreux, ce qui est horrible, ce n'est pas la mort, c'est la façon dont on s'y prend pour vous faire mourir. Car la mort aujourd'hui, c'est les autres hommes qui vous infligent, même les médecins dans les hôpitaux, les tortures, le prolongement inutile. Je ne vous parle pas... Mais si les médecins tuaient, on les arrêterait. Bon, très bien. Alors, au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable. Le médecin devrait le dire au malade et l'euthanasie n'est pas là pour les chiens. C'est une question que chacun doit résoudre selon sa conscience. Je comprends parfaitement que le médecin y répugne, comme certains répugnent à l'avortement. Ça, c'est une autre question. Mais là, une question individuelle. Un homme qui ne peut pas être sauvé, un homme qui n'est qu'un tissu de souffrance, prolonger son ticket au-delà de toute limite, c'est un manque de charité et d'humanisme absolument outrageant. Et c'est là que l'on transforme l'homme en un chien. Au-delà de cette limite, mon ticket n'est plus valable, c'était aussi le titre d'un livre de Romain Gary. Qu'est-ce que ça vous inspire? Je rappelle que ces déclarations remontent à 1975, c'est important de le dire. Mais elles sont terriblement d'actualité. Je crois qu'on pourrait dire quasiment la même chose aujourd'hui, même si évidemment il y a eu quelques progrès, mais dans la réalité des choses, vous savez, il n'y a pas tellement longtemps, le Conseil économique, social et environnemental nous disait que 50% des chimiothérapies étaient faites dans les 15 derniers jours de la vie. Quand on sait ce que c'est qu'une chimiothérapie, donner ça dans les derniers jours, c'est quand même une forme d'acharnement thérapeutique. Même Monsieur Leonetti, dans son dernier rapport, reconnaissait que dans les EHPAD, un certain nombre de personnes subissent de l'acharnement, souvent des vieilles dames abandonnées, qui n'ont plus de famille, qu'on force à se soigner alors qu'on a le droit aujourd'hui de refuser d'être soigné. Voilà, donc l'acharnement thérapeutique continue. Malheureusement, malgré les lois, tout le monde trouve que c'est pas normal, mais en même temps, on n'y met pas les moyens et on continue, oui, à mourir dans des souffrances. D'ailleurs, la France et tous les rapports qui ont été faits, et c'est pas des rapports de la DMD, hein, c'est des rapports officiels, nous disent qu'on est un des pays où on meurt le plus mal en Europe. Bon, reste à savoir pourquoi, après ce constat. Dans votre livre, vous citez en exergue cette phrase, une culture, j'ai bien ça parce que je pense que c'est d'abord un phénomène culturel, hein. Une culture qui nie la mort finit par devenir superficielle, préoccupée uniquement par la force extérieure des choses. Lorsqu'on nie la mort, la vie perd de sa profondeur. Est-ce que ça veut dire qu'il faut passer par une certaine désacralisation de la vie pour accéder au droit de mourir dans la dignité? Ça passe d'abord par là? Non, mais c'est-à-dire que la mort, on l'a beaucoup cachée maintenant. Vous savez, moi, quand j'étais enfant, j'ai vu mourir mon père et il était à la maison. Et je l'ai vu pendant plusieurs jours. Aujourd'hui, si vous posez la question autour de vous, vous verrez des tas de gens qui n'ont jamais vu un mort. Ouais, c'est vrai. Parce que évidemment on meurt majoritairement à l'hôpital, qu'il n'y a plus ces traditions où on gardait la personne chez nous, puis des fois dans les grandes villes c'est impossible, vous avez pas ce qu'il faut, et donc les gens ne voient plus la mort. Quelque chose qu'on ne voit pas d'une certaine manière n'existe pas. On voit tous ces gens qui courent après plus d'argent, plus de responsabilités, et qui parfois on a l'impression qu'ils savent pas qu'ils vont mourir, alors que 100% d'entre nous allons mourir. Et on est dans cette société qui a voulu nier ça et qui a voulu faire en plus de la mort une affaire médicale. Ouais. Ce qui est le vrai problème. D'ailleurs, elle n'est traitée que par des médecins, alors que la mort, c'est d'abord une affaire éthique, c'est une affaire citoyenne, c'est l'affaire qui vous concerne, vous et moi. Et le problème, c'est qu'en ayant confié ça qu'à des médecins, bon, on est passé peut-être à côté de l'essentiel. À qui faut-il confier le dossier alors? Ben, à tout le monde d'abord. D'abord, arrêtons de le confier qu'à des médecins. Les médecins ont leur parole à dire. mais c'est pas eux qui vont, enfin ils vont mourir comme tout le monde, et c'est la parole de chacune et de chacun. Ma mort m'appartient, c'est une réalité. Quand les femmes disaient mon corps m'appartient, elles avaient raison, et là c'est exactement la même chose. Il y a un parallèle entre les deux combats. Ah bah il y a bien sûr un parallèle. D'abord les adversaires sont les mêmes. C'est à chaque fois les religions. Et de l'autre côté, les grands professeurs de médecine, les ordres de médecine qui sont toujours, dès qu'il y a un progrès, dès qu'on veut donner un droit supplémentaire à quelqu'un, dès que ça leur échappe, ils sont contre. Donc la réalité est la même. Avec une grande différence, c'est que quand même aujourd'hui, on est avec une population qui a compris que, vous savez, les gens sont de plus en plus acteurs de leur santé. Et ils veulent pouvoir décider ce qui est le mieux pour eux. Avoir l'information du médecin qui vous dise, bah voilà, vous avez telle chose, voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qu'on peut pas faire, qu'est-ce que vous voulez. Et on est dans cette nouvelle situation aujourd'hui, et il faut que de plus en plus on soit entendu, et j'espère surtout que les politiques vont entendre, parce que dans la réalité des choses, aujourd'hui nous n'avons que les trois lois Leonetti, et que ces trois lois Leonetti sont des lois qui sont surtout des lois faites pour des médecins, par des médecins. Oui, enfin qui représentent quand même une vraie avancée, mais on va y revenir, je voudrais rester... pour une deuxième question sur le domaine que j'appelle culturel. On voit que dans la recherche médicale, scientifique, on fait des efforts pas possibles pour allonger la durée de la vie, quoi qu'il arrive, presque un fantasme d'immortalité. Est-ce que ça vient pas se télescoper avec l'idée de mourir dans la dignité? Si, et d'ailleurs c'est assez paradoxal, parce que quand on entend certains responsables religieux qui nous disent qu'il faut aller au bout de la vie, qu'il ne faut pas... Mais c'est les personnes ne vivent pas parce que elles vont mourir naturellement, elles vivent parce qu'il y a des machines qui ont été créés par des hommes ou des femmes et qui font que ces machines nous font vivre artificiellement. Donc on voit que la main de Dieu, elle est très loin de tout ça. Et oui, on est dans un certain nombre de fantasmes qu'ont des gens qui veulent absolument vivre le plus longtemps possible et de médecins qui souhaitent faire vivre le plus longtemps possible, alors que beaucoup d'entre nous, il y a un moment, on sait que la vie est terminée. On n'a pas envie d'avoir une vie artificielle. Certains peuvent le vouloir. Je pense qu'il faut quand même respecter tout le monde dans cette affaire. Chacun a le droit d'avoir les conceptions qu'il veut. Mais il y a un moment, la vie pour la vie ou la survie pour la survie, on peut quand même pouvoir dire stop. Après, il y a un problème peut-être lié à l'humain, tout simplement. Vous êtes en bonne santé, Jean-Luc Romero, moi aussi. Mais le jour où vous vous trouvez dans une situation où vous, la question de savoir... est-ce que je meurs maintenant parce que c'est plus possible, elle devient réelle, c'est peut-être différent de la façon dont on en parle quand elle est pas réalité également. Alors moi, bonne santé, j'ai eu beaucoup de problèmes et je vis avec le VIH depuis 30 ans. Vivant, quoi, voilà. Je suis vivant, c'est vrai, mais j'ai été confronté à plusieurs reprises à des moments extrêmement difficiles. Et vous avez raison, de toute façon, sur ces questions-là, tant qu'on n'est pas confronté au moment X, on ne sait pas. Et c'est bien pour ça que moi je vis dans le doute, et c'est pour ça que je veux avoir une loi un jour qui me permette de choisir ce qui est le mieux pour moi. Mais on voit énormément de gens qui sont dans des souffrances insupportables et qui à un moment veulent dire stop. Des gens qui ont des maladies dont on sait que la fin va être terrible. Rappelez-vous Anne Behr et la maladie de Charcot qui est partie mourir. Qui est d'une cruauté hallucinante, hein, maladie de Charcot. C'est une horreur. Cette fin de vie est terrible. Alors certains peuvent l'accepter parce que vous savez, chacun juge sa propre dignité, sa propre vie. Exactement. Vous pouvez avoir des souffrances physiques absolument atroces, mais avoir à côté une histoire d'amour, un petit enfant, enfin quelque chose qui fait que tout ça vous raccroche et que vous souffrances en comparaison sont moins importantes. Mais c'est pas le cas de la majorité. Il y a plein de gens qui ont dit au revoir aux leurs, savent qu'ils n'ont plus rien à attendre et que ces souffrances, ils ne les veulent pas. Et vous savez, on est quand même dans une république laïque et il n'y a pas un principe supérieur qui vous oblige à mourir le plus tard possible et notamment dans la souffrance. Ce qu'ils veulent, je le dis, doivent être respectés. C'est clair. Moi, il ne s'agit pas de dire que telle personne n'est pas digne de vivre parce qu'elle a telle maladie ou telle souffrance. C'est chacun qui le juge. Mais on doit comprendre qu'il y a des gens qui n'en peuvent plus de ces souffrances et que rien ne justifie dans une démocratie comme la nôtre, nous ne sommes pas au Vatican, qu'on nous fasse agoniser dans la souffrance. Alors, d'où vient le problème? Pourquoi ce blocage? Au bout du compte, je pense qu'il y a deux lobbies qui ont quand même été très très puissants. Il y a le lobby religieux et le lobby médical. On évoquait tout à l'heure l'IVG, c'est un peu la même chose. Le lobby religieux qui est d'ailleurs en contradiction avec les siens. Vous savez, il n'y a pas tellement longtemps, la Croix a fait un sondage sur la fin de vie. Et on apprend dans ce sondage que 89% des Français sont favorables à l'égalisation de l'euthanasie et du suicide assisté, ou l'un ou l'autre. Et que 72% des catholiques pratiquants sont favorables à l'égalisation de l'euthanasie. Alors, on a envie de dire Et voilà. Et donc, vous voyez ce hiatus qu'il y a entre les responsables religieux qui n'entendent pas, entre les responsables politiques qui n'entendent pas non plus, parce que dans les études qui sont faites, que vous soyez à droite, à gauche, au centre, en même temps, enfin je ne sais plus, avec tout ce qu'il y a aujourd'hui, tout le monde, là-dessus, il y a un accord, quelle que soit la région où vous viviez, quelles que soient vos origines sociales. Et il y a vraiment un hiatus entre le peuple et les responsables sur cette question. Et puis, vous avez de l'autre côté les grands mandarins, qui sont souvent des parlementaires. Quand vous regardez tous les débats, vous voyez que ces débats, c'est essentiellement des médecins qui parlent. Et ce qui me pose, j'ai rien contre les médecins, ils doivent pouvoir participer au débat, mais qu'ils aient monopolisé, comme on l'a fait pendant tant d'années, ce débat, fait que la conjonction des religieux et de ces grands médecins a fait qu'il n'y a jamais eu un vrai débat dans notre pays qui permette aux gens d'avoir cette ultime liberté. Et on rappelle que M. Leonetti est médecin. Bien sûr. On va en parler tout à l'heure de la loi Leonetti dans 3 minutes. À tout de suite. And break apart. Jean-Luc Romero, la loi Leonetti, votée le 22 avril 2005, marque toutefois, et malgré ce que vous disiez tout à l'heure, de réelles avancées, mais ça ne répond pas pour autant, ce qui est vrai aussi, à toutes les questions. Je rappelle que cette loi interdit toujours l'euthanasie dite active, mais prône la fin de l'acharnement thérapeutique. Dans les faits, un patient peut refuser tous les traitements qui lui sont proposés, mais la frontière avec l'euthanasie légale est si ténue désormais qu'on se demande pourquoi on ne franchit pas le pas. Franchement, cette loi, Leonetti, elle a quand même amélioré les choses. Elle a amélioré les choses pour les médecins. C'est-à-dire qu'elle leur a donné des droits. Mmh. Et tant mieux. Elle les a protégés. Mais elle a son grand défaut, c'est qu'elle ne met toujours pas la personne en fin de vie au centre de la décision. Et qu'elle n'offre qu'une chose. Et dans des conditions extrêmement restrictives. C'est ce qu'on appelle la sédation terminale. Qui est d'ailleurs d'une grande hypocrisie. On vous endort, on arrête de vous alimenter et de vous hydrater, et vous mourrez. Si vous êtes très très vieux ou très malade, que vos organes vitaux ne sont pas en forme, vous pouvez mourir en quelques heures et c'est une solution. Sauf que la plupart des gens, ça dure des jours, voire des semaines. Et là, on est dans une forme d'acharnement thérapeutique qu'on reconnaît de plus en plus aujourd'hui avec des effets cliniques, des escarres, des étouffements, etc. qu'ont les gens. Mmh. Donc vous voyez que cette loi, elle a un effet pervers. Elle l'est utilisée d'ailleurs en Belgique, aux Pays-Bas, mais juste pour des cas qui vont mourir dans les 24 heures et après on passe à autre chose si ça ne fonctionne pas. Et donc, cette loi, elle n'a pas résolu le problème. Et c'est aussi une loi qui donne beaucoup de droits formels, mais pas des droits réels. Les soins palliatifs dont on parle tant. Oui. Qu'est-ce que Monsieur Leonetti a fait pendant 13 ans pour qu'il y ait un accès universel? Aujourd'hui, à peine 20 à 25% des gens peuvent entrer dans une unité de soins palliatifs. 40% des mourants qui en ont besoin ont au moins un soin palliatif. C'est-à-dire que l'immense majorité d'entre nous, quand on meurt, on ne peut pas y accéder. C'est soit il faut tomber mourir le bonjour ou avoir des relations. Donc tout ça, c'est très bien. Faire des lois dans lesquelles on donne des droits qui n'existent pas. Le droit aux soins palliatifs en France n'existe pas. Et puis, d'un autre côté, on est dans une grande hypocrisie parce que la sédation, c'est endormir la personne, elle ne va jamais se réveiller. Donc il faut qu'on nous explique quelle est la différence avec l'euthanasie. On nous dit, c'est dormir avant de mourir. Il faut arrêter cette hypocrisie. Dormir avant de mourir, c'est une solution. Si c'est dans les 24 heures, après, c'est une cruauté. Alors je vais vous poser la question différemment. Quelle était la situation avant la loi Leonetti? On imagine un patient qui va vraiment mal, qui demande à mourir parce qu'il n'a plus rien à attendre. Qu'est-ce qui se passait avant 2005? C'est-à-dire que on a proclamé quand même le droit du patient, mais c'est la loi. Faut rendre à Kouchner ce qui est son droit. C'est la loi de 2002 surtout qui a permis de refuser les traitements. C'est ça la vraie révolution. C'est le droit de dire à un moment je ne veux plus des traitements. Parce qu'avant on pouvait vous forcer à prendre des traitements. Et la loi de Leonetti ne fait que confirmer. Ça c'est une avancée. Mais elle l'était avant. Maintenant dans la réalité des choses on sait comment ça peut se passer. Par exemple avoir une sédation c'est pas un droit que vous avez comme ça. On vous dit vous avez un droit à la sédation. Non parce qu'au final c'est le médecin qui décide. Et qui en plus l'a fait le temps qu'il souhaite. Donc on voit bien que aujourd'hui, on n'a pas obtenu ce droit de pouvoir dire à un moment, je veux éteindre la lumière, je veux partir entouré des miens, leur dire au revoir et partir en quelques secondes sans souffrance. Aujourd'hui, nous n'avons pas ce droit-là et c'est pour ça qu'il faut évidemment évoluer. Comment on fait avec un patient en fin de vie, mais qui est déjà dans un état où il ne peut plus parler? On ne peut pas avoir son opinion, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a la possibilité des directives anticipées. Vous voyez, aujourd'hui, vous êtes en pleine forme, vous avez votre capacité. Il faut écrire ce que vous souhaitez au cas où vous ne seriez plus dans la possibilité de le faire. Et en plus, il faut choisir une personne de confiance qui connaît vos convictions et qui pourra dire au médecin ce que vous souhaitez. Et ça, je pense que c'est important de le faire, même si aujourd'hui, on le voit bien encore, les médecins ne sont pas forcément obligés de vous écouter. Ils peuvent dire que c'est manifestement inapproprié. Donc on voit qu'on a laissé encore une fois de plus un grand pouvoir. Mais quand même, moi, j'ai la faiblesse de penser que l'immense majorité des médecins, notamment les plus jeunes, ont envie de vous écouter. Donc moi, ce que je peux conseiller, c'est écrivez vos directives anticipées. Ça évitera, vous avez l'affaire Vincent Lambert, où la famille se déchire, l'épouse dit il aurait souhaité ne pas vivre ses 10 années de coma irréversible. Quand ses parents disent le contraire, si vous avez écrit les choses... Une sorte de testament médical, quoi. Voilà. Et qu'on peut mettre, si on n'est pas entouré de gens de confiance, on peut s'adresser à votre association, par exemple. Nous avons des directives, nous avons même un fichier national de directives anticipées où on les conserve. Ah. Et moi, je conseille aux gens de le faire. Vous savez, c'est comme quand vous faites un testament, c'est pas parce que vous faites un testament que vous allez mourir. Et ben, c'est pas parce que vous indiquez cela que vous allez mourir, et je pense que c'est très altruiste de le faire aussi. D'abord, c'est pour que vos convictions personnelles soient respectées et pour éviter que votre famille se déchire aussi après vous retrouver dans un coma. Jean-Luc Romero, il ne reste qu'une minute. Vous avez écrit une lettre, sous forme de livre, une lettre ouverte à Brigitte Macron, hashtag ma mort m'appartient. Pourquoi passer par Brigitte Macron? Bah parce que je voulais passer par la ministre de la Santé, mais comme elle nous a dit qu'elle était absolument contre, je vous dis que ça ne servait à rien. Et comme je voulais une femme, parce que ce sont les femmes qui font avancer les grandes questions de société, et qu'elle a dans son statut, notamment les questions de santé, les questions des plus vulnérables, je vous disais que ça pouvait être la personne idoine. Il y a trois propositions de loi qui sont aujourd'hui là, dont une du groupe La République En Marche, enfin d'à peu près 150 députés de La République En Marche. Et c'est pour ça qu'on se bat, nous à la DMD, pour que l'année prochaine, on ait enfin une loi d'ultime liberté. Oui, enfin pour l'instant, c'est une proposition de loi. On sait que la majorité des lois qui passent émanent de projets de loi, c'est-à-dire du gouvernement. Donc le combat n'est pas fini. Les trois lois Leonetti, c'était des propositions de loi. Comme quoi. Vous voyez. Comme quoi. On peut espérer. Des exceptions. Merci infiniment Jean-Luc Romero. Je rappelle le titre de vos deux livres, Lettre ouverte à Brigitte Macron chez Michalon, Ma mort m'appartient chez Michalon, et je répète le sous-titre. Les sous-titres parfois disent beaucoup de choses. 100% des Français vont mourir. Les politiques le savent-ils? C'était Affaires Sensibles, la fiction, aujourd'hui Le Temps qu'il reste, une fiction écrite par Nicole Sigal, réalisée par Michel Sidoroff, émission proposée par Christophe Barrère, assistée de Valérie Priollet et réalisée par Anne Lioraux, programmation musicale Muriel Pérez, à la technique aujourd'hui Michel Bézikian et Lucas Vaillant.